Chapitre 11e. Pendant les 8 premiers jours qui suivirent sa visite à la folie, Aimée fut la plus heureuse créature de la terre. Elle respirait le bonheur à plein poumon. Elle éprouvait cette sensation d'allégresse qu'on goûte parfois en songe lorsqu'on rêve qu'on a des ailes et qu'on plane légèrement dans l'air. Il lui semblait que jusqu'alors elle avait sommeillé, et que maintenant seulement elle commençait à vivre. Elle se disait que dans quelques jours, Paul Lamorandière allait revenir à Moret, et elle l'attendait avec cette confiance absolue qui ôte à l'attente toutes ses agitations pénibles. Jamais le vieux Finoël ne l'avait vue si joyeuse et d'humeur si égale. Après les brûlantes ardeurs de l'été, le Val d'Amoret, subissant l'influence des premières fraîcheurs de l'automne, avait un renouveau de végétation verdoyante et de plantureuses floraisons. Les fossés et les talus étaient fleuris comme un jardin. Aimée savait gré à la forêt de se parer et de se parfumer pour une si belle occasion. Les lisières étaient couvertes d'épaisses trochées de belladone, entre lesquelles montaient les hampes pourprées des digitales. Les aconites et les chèvrefeuilles ouvraient leurs fleurs au beau milieu des buissons. Les reines des prés embaumaient les bords du ruisseau, et toutes ces plantes avaient l'air de s'épanouir pour fêter le retour de la Morandière. Aimée vivait dans son amour comme dans une sphère lumineuse autour de laquelle le monde entier semblait graviter. Toutes les choses semblaient converger vers sa passion et s'y absorber. C'était pour elle que le ciel éparpillait ses blanches nuées floconneuses ou étendait ses espaces bleus. Pour elle que les grives chantaient dans les ronciers noirs de murs. Pour elle seule que le soleil se levait et se couchait. Cependant, les jours se succédaient et le roi de la fête ne paraissait pas. 2 semaines passèrent, puis 1/3. Septembre arriva avec ses nuits plus froides et ses matinées brumeuses. Les futaies commencèrent à se colorer, les premiers fils de la Vierge coururent dans l'air fraîchissant. La chasse était ouverte, et point de nouvelles de la Morandière. Alors, la sérénité des premiers jours fit place aux angoisses et aux fièvres de l'attente. Aimée désertait dès le matin la maisonnette d'Amoret et allait s'asseoir sur la chaussée de l'ancien étang. Là, elle restait pendant des heures immobile, les yeux fixés vers la tranchée qui s'enfonce dans la direction de Pralay. C'était par ce chemin que la Morandière devait venir, et au moindre bruit dans le fourré, au moindre froissement des feuilles, elle frissonnait et se levait, s'imaginant toujours qu'elle allait le voir apparaître derrière les cépés de la bordure. Chaque matin, elle se disait « c'est sans doute pour aujourd'hui », et chaque soir, tandis que le soleil couchant allongeait démesurément les ombres des arbres, elle s'en revenait au logis, la tête basse, en murmurant « ce sera peut-être pour demain ». Elle devenait taciturne, nerveuse, irritable. Sa bonne humeur semblait s'être envolée avec les hirondelles. Parfois, à la veillée, Denis Finoël, assis au coin du feu en face de sa petite nièce, voyait une larme scintiller dans les yeux verts d'Aimée. « Est-ce que tu t'ennuies, petite ?» lui demandait-il. « As-tu quelque chagrin secret ?» Elle ne répondait qu'en secouant négativement la tête, puis se replongeait de plus belle dans son mutisme et son angoisse. Elle ne doutait pas de la Morandière. Elle l'adorait si passionnément, il était tellement tout pour elle, qu'elle aurait cru commettre un sacrilège en effleurant même d'un soupçon celui dont elle avait fait un dieu. Elle avait des trésors d'amour pour deux et elle les lui prêtait libéralement. Seulement le dieu, semblable à ceux-là, à ses confrères du vieux paganisme grec, tardait à revenir visiter la pauvre mortelle qu'il avait séduite, et celle-ci languissait et pâlissait comme Ariane avait pâli et langui sur les rivages solitaires de Naxos. Tout septembre la vit ainsi, dans l'attente, avec des alternatives de fièvre et d'abattement. Puis le vent fit tournoyer les feuilles tombantes dans le Val d'Amoret. Les premiers frissons d'octobre coururent dans les bois, mais la Morandière ne parut point. La ferme restait silencieuse, les volets de ses chambres hautes demeuraient clos. Les chasseurs ne se pressaient pas d'y venir cette année. Tout à coup une crainte traversa le cerveau d'Aimée comme une flèche aiguë. Peut-être la Morandière était-il tombée malade. On parlait d'une épidémie de mauvaise fièvre aux environs. Peut-être était-il retenu à la folie par une maladie grave. Une fois cette semence jetée dans son imagination enfiévrée, elle s'y développa et y grandit rapidement. Oui, certes, il devait être malade. Elle en rêvait. Elle le voyait étendu sans force dans son lit et l'appelant d'une voix faible. Jusque-là, craignant de désobéir aux recommandations du jeune homme, elle n'avait pas osé retourner à la folie. Mais un matin, elle n'y put tenir, et dès que Finoël fut parti, elle prit en hâte le chemin de la plaine d'Augeur. et elle passa rapidement à travers la forêt de maigres fontaines. Quand il arriva dans les champs, le brouillard s'était à peine éclairci. La plaine était grise et morne. Pourtant, au-dessus de la brume, on sentait que le ciel était bleu et on entendait les alouettes y monter en gazouillant. Aimé interpréta ce chant matinal comme un présage heureux et se remit à marcher plus courageusement, ne s'arrêtant à Augeur que pour y demander minutieusement le chemin qu'elle devait suivre. Vers midi enfin, elle atteignit le couloir rocheux qui menait à la folie. Le petit chalet servant d'écurie dormait silencieusement sur la gauche avec ses portes et ses fenêtres closes. Le cœur de la jeune fille se mit à battre violemment quand elle arriva près de la porte mauresque, dont un léger rayon de soleil dorait les battants hermétiquement fermés. Elle sonna. Tandis que la cloche tintait, elle sentait dans tous ses nerfs un fourmillement d'impatience et d'angoisse. Un bruit de sabots résonna dans l'allée et la femme du jardinier vint ouvrir. À travers la porte entrebâillée, la jeune fille revit comme une apparition éblouissante la coupole orientale, les balcons sculptés à jour, les verdures fleuries et la profonde vallée qui lui souriait dans un flot de soleil. « Qu'y a-t-il pour votre service ?» demanda la jardinière en jetant sur Aimé un regard peu bienveillant. « Je voudrais parler à monsieur Lamorandière. Il n'est pas ici. Est-ce qu'il est malade ?» murmura Aimé d'une voix inquiète. « Malade ? Oh bébé ! Il se porte comme un chêne. Voilà un mois qu'il est parti en voyage. » Aimé pâlit. La respiration lui manquait. Pourtant, elle eut encore la force de balbutier. Reviendra-t-il bientôt ? La jardinière haussa les épaules. « Est-ce qu'on sait ? Il est allé dans le midi, bien loin, de l'autre côté de la mer. En voilà au moins pour un an ou deux. Vous n'avez rien de pressant à lui dire, je suppose. Bonjour, mamie. » Et la porte se referma lourdement sur l'éblouissant paradis perdu de la folie Lamorandière. Aimé restait appuyé à l'un des jambages de pierre. Ses tempes étaient serrées comme dans un étau, et dans ses oreilles tintaient les paroles de la femme du jardinier, bien loin, de l'autre côté de la mer. Ces mots cruels tombaient et retombaient dans son cerveau qu'il martelait douloureusement. Un froid glacial lui paralysait le corps. Il lui semblait que tout ce qu'elle avait de sens était soudain tari. Sa gorge était comme étranglée. Sa bouche était sèche. Pas une larme ne montait dans ses yeux grands ouverts. Un frisson nerveux la secoua tout entière et brusquement, elle quitta le mur et se mit à marcher droit devant elle, à travers la plaine maintenant baignée de soleil. Mais ne s'inquiétait ni du soleil ni de la route. Elle allait sans but, à travers champs, sans regarder, sans entendre, incapable même de rassembler ses pensées tourbillonnantes. Une seule fois, elle fut violemment tirée de sa torpeur. Elle longeait une pièce de terre où un laboureur poussait sa charrue. Derrière lui, dans les mottes fraîchement remuées, un garçon marchait à pas lents et, fouillant dans une sacoche qu'il portait en sautoir, lançait le blé dans les sillons avec un geste calme et comme rythmé. Tout en éparpillant son grain, le semeur chantait à pleine voix. Elle est bien aussi droite que l'herbe dans les prés, et bien aussi vermeille que la rose en été. Vous m'avez tant aimé, vous m'avez délaissé. La voix sonore de ce paysan enlevait joyeusement les premiers vers du couplet. Mais en entonnant le refrain, le chanteur semblait pris d'une soudaine tristesse, et sur un ton traînant, avec des notes basses et graves, il répétait par deux fois. Vous m'avez tant aimé, vous m'avez délaissé. Aimé s'arrêta et tressaillit. Ses notes navrantes avaient tout à coup imprimé une secousse aux idées qui flottaient confuses dans son cerveau, et la réflexion lui était revenue. Elle eut de nouveau la perception affreusement nette du malheur qui venait de l'accabler. Elle ressongea à l'homme qui était bien loin, de l'autre côté de la mer, à l'homme qu'elle avait tant aimé et qui lui aussi l'avait délaissé. Ce n'était pas un rêve, elle était bien réellement abandonnée. Son bonheur était anéanti. Les trésors d'amour qu'elle avait mis si naïvement au pied de la Morandière, il les avait dédaigneusement repoussés du soir au matin. Elle n'avait été pour lui que l'amusement d'une heure, la fleur sauvage qu'on cueille en passant et qu'on jette distraitement après l'avoir respirée. Elle se sentait maintenant si complètement perdue. La vie pour elle n'avait plus de valeur. Elle s'était dévouée et donnée passionnément comme son aïeule Sylvine, et comme son aïeule, elle ne cherchait plus qu'une porte pour sortir de ce monde. Elle marcha ainsi tout le jour, sans s'apercevoir de la fatigue. À la brune, elle se retrouva dans la futaie d'Amoret. À son insu, l'habitude quotidienne l'avait guidée et poussée vers les chemins tant de fois parcourus. Elle sentit dans l'air une odeur de fumée, et relevant les yeux, reconnut à 10 pas le grand Justin qui râtelait le charbon d'un fourneau récemment éventré. Elle voulait l'éviter, mais ses pieds meurtris, là, se heurtèrent à une souche et elle s'affaissa contre un arbre. Elle n'en pouvait plus. Du reste, Justin l'avait déjà perçue et il accourait. « Bonne Jean, s'exclama-t-il, c'est vous, mademoiselle aimée? Et comme vous avez la figure renversée, que vous est-il arrivé ?» Elle le regardait avec ses yeux secs et fixes, sans répondre. Tout à coup, il éclata. « Ah ! » s'écria-t-elle en plongeant sa tête dans ses mains. « Je voudrais être morte !» Justin la considérait d'un air terrifié. Il voyait qu'Aimé avait un violent chagrin, et sans en deviner exactement la cause, il comprenait qu'il était en présence d'une grande douleur. Aussi restait-il silencieux, se trouvant impuissant à guérir cette blessure qu'un autre avait faite. « Ah, ma pauvre demoiselle, soupira-t-il enfin, pourquoi n'êtes-vous pas née comme votre oncle Finoël, comme nous tous, au mi-temps de la forêt? Vous seriez devenue une vraie paysanne. Vous auriez pris de l'amitié pour les gens des bois et vous auriez été plus heureuse. Tous vos maux viennent de la ville et des gens de la ville. Quand je vous ai ramenée pour la première fois de Langres et que vous dormiez dans ma charrette, vous souvenez-vous, au rang de l'âme ancienne, j'avais tant de plaisir à vous regarder que je mettais mes chevaux au pas pour ne pas vous réveiller. Et en vous regardant, je me pensais, quel dommage que ce soit une demoiselle de la ville. » La tête enfouie dans ses mains, immobile et impassible, elle semblait ne rien entendre. Le grand Justin soupira de nouveau et reprit. « Voyez-vous, il était déjà trop tard, quand vous êtes venu à Amoret. Sans reproche, vous étiez déjà trop une demoiselle, et vous ne pouviez pas vous plier aux façons du monde d'ici. Vous aviez beau vous forcer pour avoir l'air de vous amuser avec nous, on devinait bien que vous vous ennuyiez. Allez, ce n'était pas votre faute, on ne peut pas se refaire, n'est-ce pas ? Aussi, je comprenais que vous recherchiez les occasions de causer avec M. Lamorandière. Seulement, je me méfiais parce que je le connais, le pèlerin. Et j'étais bien aise quand j'ai su qu'il était parti, encore que ça me fit grand dépit de vous voir pleurer. C'est un embobineur que ce monsieur-là. Mais de vrai, il n'a pas plus de cœur que mon râteau, et toute sa caresse ne vaut pas une seule de vos larmes, mademoiselle aimée. » Elle se leva brusquement. « Taisez-vous » s'écria-t-elle, irritée. « Je ne veux pas qu'on dise du mal de lui. Je ne veux pas. Adieu, je m'en retourne. » Elle avait l'air si égarée et si désespérée que Justin fut pris de pitié. « Si vous vouliez attendre un peu, murmura-t-il, je vous reconduirai jusqu'à la ferme. Je suis obligé de rester près de mes fourneaux jusqu'à ce que nos gens soient de retour. Mais ils ne peuvent guère tarder à cette heure. » « Non, » dit-elle précipitamment, « ce n'est pas la peine. Merci, Justin. Adieu. » Elle s'enfuit et descendit rapidement le ravin des Moulineaux, les bras croisés contre sa poitrine, les dents serrées, et le cerveau hanté par une seule idée, une cruelle idée qui ne la quittait plus depuis l'après-midi. La nuit était venue et la lune se levait. Quand Aimé atteignit le talus de la lisière, la prairie vaporeuse était baignée d'une lumière argentée, et sur les fossés, on distinguait les énormes trochers des belladones, avec leurs feuilles sombres et leurs fruits mûrs, semblables à des cerises noires. Les baies lustrées luisaient au clair de lune. L'abondance de ces cerises satinées et pulpeuses avait quelque chose de provoquant. Aimé les regarda longtemps, puis sa main tentée s'étendit vers les tiges chargées de fruits. Elle en cueillit un et le porta à ses lèvres. La saveur fade et un peu sucrée de la baie vénéneuse n'avait rien de répugnant. Il semblait qu'avec ce poison, la mort devait venir douce et tranquille. La jeune fille arracha alors les fruits à pleine poignée et les dévora avidement. Elle craignait de ne pas en prendre assez pour mourir. Elle en mangea une vingtaine et mit d'autres dans sa poche. Puis elle se dirigea vers la chaussée de l'étang. Elle voulait encore revoir la place où pour la première fois elle avait aperçu la Morandière, la saluant de son sourire dédaigneux. Elle se promenait lentement le long des talus en se rappelant les causeries d'autrefois et les heures sereines des commencements. Tout à coup, elle eut un éblouissement. Il lui sembla que le vallon et les arbres tournaient autour d'elle. En même temps, d'âcres nausées vireuses lui montaient à la gorge. Sa bouche devenait brûlante et sa tête lourde comme un plomb. Elle fut saisie de la peur de mourir là, au milieu des bois, et frissonna l'idée que son corps serait exposé aux déchiquetures des oiseaux de proie de la forêt. Alors, faisant un suprême effort, elle se traîna vers les bâtiments de la ferme dont elle voyait les fenêtres briller au clair de lune. Sa vue commençait à se troubler. Et elle avait le vertige quand elle arriva près de la petite maison de Finoël. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais ses doigts tâtaient en vain le panneau sans pouvoir saisir le loquet. Finuel ne s'était pas couché. Étonné de trouver la maison vide à son retour, il attendait Aimé avec inquiétude. Au bruit des doigts grattant contre la porte, il accourut avec la lampe à bec, et dès qu'il eut ouvert, il recula stupéfait devant la figure de la jeune fille, dont les pupilles dilatées et immobiles le regardaient avec une expression effrayante. « D'où viens-tu » s'écria-t-il. « Et qu'as-tu ? » Elle le distingua à peine tant ses yeux étaient devenus troubles. « À boire !» murmura-t-elle d'une voix étrange. Puis elle chancela et s'agenouilla sur le pavé. « Ah, mon Dieu !» s'exclama le bonhomme. « Es-tu malade, ma pauvre petite ?» Il la souleva dans ses bras noueux et la porta sur son propre lit, où elle resta pendant quelque temps inerte et comme engourdie. « Seigneur !» murmura le vieillard épouvanté et perdant la tête. « Que lui est-il arrivé ?» Il ne savait à quoi se résoudre, n'osant la quitter, et cependant comprenant que l'aide d'un médecin devenait nécessaire. Au même moment, on frappa à la porte. C'était le grand Justin, qui n'aimait plus y tenir, et qui accourait pour savoir si Aimé était rentré au logis. Comme fit Noël, il fut atterré en voyant les traits décomposés et l'agitation de la jeune fille. La stupeur avait cessé pour faire place au délire. Maintenant Aimé gesticulait et balbutiait des paroles incohérentes. Elle voulait se lever et s'en aller bien loin, de l'autre côté de la mer. Elle appelait quelqu'un, ses mains tendues cherchaient à saisir et à retenir un être imaginaire, puis tout à coup elle riait d'un rire étrange qui donnait froid jusque dans les os. À un mouvement brusque de son corps, les baies de belladone qui étaient restées dans sa poche roulèrent sur le carreau. Justin en ramassa une, la reconnut et poussa un cri. « Ah ! » dit-il, « la malheureuse, c'est de la belladone, elle s'est empoisonnée. « Va vite à Aubrive, ramène le médecin !» cria Finoël. Justin partit et ne revint qu'au petit jour avec le docteur. Il était déjà trop tard, et les prescriptions du médecin ne pouvaient plus arrêter la marche du poison. Pendant toute la journée du lendemain, Aimée lutta contre la mort. Elle avait des alternatives d'assoupissement et de délire. Son corps se tordait, ses traits se crispaient, seuls ses grands yeux verts gardaient une fixité effrayante. Vers le soir, elle s'assoupit de nouveau. L'amour semblait enfin avoir raison de sa jeunesse. Ses joues avaient pâli, son pouls ne battait plus que faiblement. « Allons, » dit Finoël en essuyant une larme. « La pauvre Gâchette a presque cessé de souffrir, et je crois que c'est la fin. Je ne pensais guère que je verrais encore cette mort-là avant de m'en aller. Mais c'était écrit, vois-tu, Justin. Dans notre famille, les femmes n'ont pas de chance. » La nuit tombait. Tout à coup, dans le silence du ballon, de bruyants aboiements retentirent, et des cors de chasse entonnèrent une joyeuse fanfare. C'étaient les chasseurs qui étaient arrivés le matin même à la ferme et qui rentraient du bois. Aimée souleva brusquement sa blanche figure noyée dans les crépelures de ses cheveux noirs. Les dernières gouttes du vieux sang passionné des Finoël lui montèrent aux joues, et une lueur passa dans ses yeux. « Ah ! » murmura-t-elle, « il est revenu. Le voici, je l'entends. » Et avec ce dernier espoir sur les lèvres, elle sourit et mourut. Ainsi s'achève le sang des Finoël par André Theuriet.